attendu 9 mois pour sa résurrection. Leur apprenait ma chambre devient un lieu de prédilection. Quand je prédis l'action, sur la syllabe d'après je mets l'accent. On l'accepte tel qu'il est à l'axe. Cléoné, on le malaxe. À notre guise on est malade, façon malade. J'aime la musique, je la mets à la forme. Je finirai pas superstar comme Jamelia. Et pour le rap c'était jamais là. Vas-y barre-toi, à part ça. Le rap rené, comme la team de Barça. Je parsème une haine non passagère. Inhumaine, escaillade, demande passagère. Comme Zizou qui apprenne pas s'agit. Le rap est là, laisse faire la magie. C'est pour les neugeux qui se prennent pour des mages. Qui pensent que la vie n'est qu'imagée. Qui pensent que le quartier n'est plus qu'un jeu. Qui pertinemment pense être enfermé dans une cage. Voilà pourquoi le rap je cajole. 2005, voilà un fait historique. Après la révolution, rap René et révolution. 2005, voilà un fait historique. Après la révolution, rap René et fait voler son. C'est la révolution, rap en guerre, ça brise les caissons. Ramener de l'ordre parce qu'il le voit à la danse qu'il était question. La guerre c'est toujours une longue période, puis le moment où l'on perd l'homme. Transformé en animal ou révéler sa vraie nature. Petite tafiole, pour tenir tête à mon rap. T'as mis du guronzin dans ta fiole. Parce que le rap fait partie de moi, je me suis vu achevé. Des faux MC avec une lampe de chevet. Puis j'ai pas fait tout ce chemin. Marcher doucement pour qu'un enfoiré sans talent veut me devancer alors que la top de Sky dans le cul s'attalait. J'ai talonné, slalomé, pilonné sans cesse sans fin pour me retrouver devant le max en fric sans fin. Aujourd'hui c'est la révolution. Les cendres, les bouffons qui passent sur les ondes. La honte on les enverra rapper sur la cordillère des Andes. Me voilà dans les rues à foncer les faux avec les vrais sur le passage. Eskaya issu d'une génération passage. 2005, voilà un fait historique. Après la révolution, rap René et révolution. 2005, voilà un fait historique. Après la révolution, rap René et fait voler son. À ce qui paraît, il faut détruire pour reconstruire. C'est ce qu'on a fait alors ce rap on vient rebâtir. Mais cette fois-ci sans l'abasourdir, en lui évitant de s'abattardir. Laisse les bâtardir. J'ai pas ma place dans ce nouveau monde. Moi je pense que si et je laisse ces mecs dans ce movie monde. Cette année c'est du rap frais, du rap fort, du rap frère. Demande du rap faire, deviennent nos actes. Signé de pacte, voilà l'impact. Sky à full contact. Vu que le rap c'est ma famille, là sur ma fille. En incest, je fais durer l'inceste. Ne voilà plus qu'un zeste de mes talents, donc plus un geste. Dans le rap y'a trop de putes qu'on fait le vœu de chasteté. Alors que ça suce pour une compile, et dit sans cesse. Vas-y viens on chasse l'été, on fait le ménage. Fini le manège, faut qu'on allège. Le rap français, il faut qu'on lâche du lest. Pour que le public suive, il faut qu'on lasse du reste. Il faut qu'on lasse du reste. 2005, voilà un fait historique. Après la révolution, rap René et révolution. 2005, voilà un fait historique. Après la révolution, rap René et fait voler.